Ésaïe chapitre 12. Et tu diras en ce jour-là, Éternel, je te célébrerai, parce qu'ayant été courroucé contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Voici, le Dieu fort est ma délivrance, j'aurai confiance, et je ne serai point effrayé, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et ma louange, et il a été mon sauveur. Et vous puiserez des eaux avec joie des fontaines de cette délivrance. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, réclamez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits, faites souvenir que son nom est une autre traite. Psalmodiez à l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, cela est connu dans toute la terre. Habitante de Sion, égaie-toi, et te réjouis avec chant de triomphe, car le Saint d'Israël est grand au milieu de toi.